Chapitre 2. Une après-midi de juin, Anne se promenait avec son père dans le jardin de Carlaz. L'air était tiède, le ciel clair et ouaté de légers nuages blancs. Les citronnelles, les œillets, les résidas des plates-bandes répandaient un suave parfum d'été. Le père et la fille avaient déjà fait 5 ou 6 fois le tour des allées bordées de buis et de lavande, quand le trot d'un cheval résonna sous les hêtres de l'avenue. Tous deux relevèrent la tête en même temps. Quel pouvait être ce visiteur? La jument du Domaniou avait le pas plus lourd, et le bidet du recteur de Poulan ne trottait pas de cette façon fringante et délurée. La cloche longtemps silencieuse qui se rouillait à l'angle du cintre surbaissé du porche tinta énergiquement. Anne tressaillit, et au même moment, les deux battants de la porte, ouverts par Marianic, livrèrent passage à un jeune cavalier qui sauta lestement à terre, puis salua le bonhomme Ploudaniel qui écarquait les yeux. « Bonjour, mon cousin, » s'écria-t-il d'une voix joviale. « Je suis Tanguy de Ploudaniel et je vous apporte une lettre de mon père. » Le bonhomme mit ses lunettes et déchiffra, non sans peine, l'épître de Ploudaniel de la branche aînée. Elle était ainsi conçue. « Mon cher cousin, pour des raisons qu'il serait trop long d'énumérer, j'ai jugé à propos d'éloigner de Paris mon fils momentanément. Je l'envoie au pays vous porter, ainsi qu'à notre aimable cousine, tous nos affectueux compliments. Soyez assez bon pour lui donner, pendant qu'il restera en Bretagne, l'hospitalité à Kerlaz, à charge de revanche, quand vous viendrez enfin nous voir à Paris. Laissez-moi espérer que ce sera bientôt et recevez en attendant les cordiales embrassades de votre dévoué Henri de Ploudaniel. » Tandis que M. de Ploudaniel achevait de lire, Anne, à peine remise de son étonnement, examinait à la dérobée ce jeune cousin qui lui tombait des nues. Âgé de 25 ans environ, bien pris dans son veston noisette, blond, la moustache en pointe, Tanguy de Ploudaniel avait la mine assurée, avenante et satisfaite d'un garçon pour lequel la vie n'a encore eu que des gâteries et des sourires. Les gens plus observateurs eussent peut-être trouvé qu'il semblait trop content de sa personne et que son front étroit contenait plus de préoccupations égoïstes que d'idées sérieuses. Mais la mademoiselle de Ploudaniel, qui n'était pas gâtée, le cousin Tanguy, dont l'enveloppe correcte fleurait toutes les élégances parisiennes, parut le type du gentleman accompli. « Mon cousin, » dit M. de Ploudaniel en empochant sa lettre, « je suis enchanté de vous voir et vous êtes ici chez vous. » Il l'embrassa, puis, le poussant vers Anne rougissante et effarouchée, « voici votre cousine, » ajouta-t-il, « embrassez-la aussi. » Et la moustache blonde en pointe effleura par deux fois les joues vermeilles d'Anne qui en frissonna tout entière. On installa le cousin dans la plus belle chambre du premier, celle que décorait un pied de vigne en fleurs et dont le soleil de midi illuminait gaiement les murailles blanchies à la chaux. On le choyait à Dieu sait. Pour fêter ce Parisien, Anne s'ingénia à inventer chaque jour de nouvelles combinaisons culinaires. Toutes les ressources du domaine furent mises à contribution. Le poisson le plus frais, le beurre le plus fin, les crêpes les plus savoureuses abondaient à la table de Kerlaz, et Marianic était sur les dents. Le jeune Ploudaniel se laissait faire et goûtait à tout un homme qui condescend à manger des merles faute de grive. Au fond, ce séjour à l'extrême pointe de la Cornouaille lui semblait un exil chez les Hurons, mais il savait vivre et montrer une figure aimable tout en regrettant en son par-dedans les cavalcades au bois, les soirées du cirque et les soupers au café anglais. D'ailleurs, cette petite cousine Anne, à la fois timide, fière et brusquement expansive à travers ses effarouchements, cette jolie bretonne aux grâces sauvages et aux grands yeux verts étonnés, distrayait fort agréablement la solitude à laquelle il était condamné. La saine et délicate beauté de ce sauvageon poussé en pleine lande le reposait des petites dames aux lèvres trop rouges et aux cheveux trop jaunes, qui avaient vraisemblablement motivé sa déportation en Bretagne. Les deux jeunes gens passaient une bonne part de leur temps en tête à tête. Retenu au logis par de fréquents accès de goutte, M. de Ploudaniel avait confiance en eux et les laissait vagabonder à leur aise parmi les champs. Que de joyeuses parties ils firent alors ensemble pendant les longues journées d'été. Tantôt montés chacun sur un de ces chevaux bretons à la crinière emmêlée et au trot endiablé, ils galopaient à travers la lande et poussaient jusqu'au ras de Saint. Ensemble, ils escaladaient les amoncellements de rochers jusqu'à la pointe et, penchés au-dessus de l'enfer de Plogoff, ils écoutaient au fond du gouffre les hurlements des vagues tourbillonnantes dont l'écume tiède venait leur fouetter le visage. Ils repartaient ayant encore aux oreilles les coups de tonnerre des lames entrechoquées. Ils allaient plus lentement. Avec les ombres grandissantes du soir, une douce mélancolie les enveloppait et donnait un tour plus tendre à leur causerie. Tantôt à marée basse, dans la fine lumière du matin, ils se mettaient à la poursuite des crabes et des langoustes au long des roches de Saint-Ronan. D'un mouvement à la fois hardi et chaste, Anne relevait ses jupes jusqu'aux genoux et s'aventurait gaiement dans l'eau clapotante, montrant innocemment à son cousin la ronde et svelte blancheur de ses jambes de Diane chasseresse. La mer basse murmurait câlinement au loin devant eux, et de petites vagues venaient parfois leur lécher les chevilles. Une brise salée leur soufflait dans les cheveux, et ils l'aspiraient voluptueusement, tout en enfonçant ensemble leurs bras nus, qui se rencontraient dans les anfractuosités des roches rougeâtres. Grisée par le grand air et aussi par la vue de ses jambes rondes et de ses bras blancs, Tanguy le plus Daniel éprouvait par moments la tentation de baiser cette jolie tête de jeune fille qui frôlait la sienne. Mais comme, malgré ses airs étourdis, il était doué d'un esprit pratique et relativement honnête, et comme ce baiser eût été certainement interprété par sa cousine dans le sens d'un engagement tacite à un futur mariage, il mettait prudemment une martingale à ses tentations et clapemurait ses désirs. Il se contentait de tourner un compliment moitié galant et moitié moqueur, dont la cousine Anne rougissait jusqu'aux yeux, tout en faisant immédiatement retomber ses jupes sur ses pieds nus. Ainsi, peu à peu, s'établissait entre les deux cousins une délicieuse intimité, naïvement confiante et attendrie du côté de la jeune fille, enjouée, complimenteuse, mais plus réservée du côté de Tanguy. Dans sa candide et novice ingénuité, Anne de Ploudaniel prenait pour argent comptant les fleurettes et paroles dorées dont le jeune homme n'était point avare. Elle buvait comme un filtre cette liqueur frelatée. Elle savourait ces faux semblants de tendresse qu'elle regardait comme les prémices d'une passion sérieuse. Elle croyait naïvement que l'heure était proche où Tanguy s'expliquerait avec l'impétuosité d'un amoureux franchement épris, et elle attendait, avec un sourd battement de cœur, le moment à la fois redouté et désiré où il lui déclarerait nettement son amour. Mais les heures s'envolaient, les soleils levant et les soleils couchant se succédaient sur la lande, et ce moment décisif n'arrivait pas. Tanguy, toujours souriant et toujours maître de lui, se contentait d'égrener insoucieusement le chapelet de ses galanteries sans conséquence. Juin, juillet, une bonne moitié d'août était passée. Les digitales, pareilles à des doigts roses, avaient remplacé dans les chemins creux la pâle floraison des églantiers, et les brumes transparentes qui planaient sur la baie annonçaient déjà l'approche de l'automne. Un soir, le piéton apporta à Tanguy une lettre de son père qui mettait un terme à son exil. On avait obtenu pour lui une place d'attaché dans une légation d'Allemagne, et le moment était venu de partir. Au souper, Tanguy se hâta d'annoncer la nouvelle. Sans remarquer la pâleur subite et les yeux humides de mademoiselle de Ploudaniel, il ajouta d'un ton enjoué qu'il se souviendrait toujours de la cordiale hospitalité de son cousin et de la bonne grâce de sa cousine. Le lendemain matin, il prépara tout pour son départ, car il devait aller coucher à Quimper, d'où la poste le ramènerait à Paris. Après le déjeuner, et en attendant qu'on attela les chevaux à la vieille calèche, il se trouva seul avec Anne dans le jardin. Les départs sont toujours mélancoliques, et en dépit de sa légèreté, Tanguy se sentait devenir plus tendre au moment de quitter sa jolie cousine. Ils longeaient tous deux silencieusement les plates-bandes fleuries, lui cherchant des paroles émues pour prendre congé, elle, trop troublée et ayant le cœur trop serré pour parler. Ils s'arrêtèrent un instant devant une corbeille d'œillets blancs et roses magnifiquement épanouie. « Cousine, dit le jeune homme, quelle chose triste qu'un départ. Je suis venu en Bretagne en rechignant et maintenant c'est à regret que je m'en vais. » « Bien vrai, » murmura mademoiselle de Ploudaniel en refoulant un sanglot. « Sur l'honneur, je porte envie aux œillets de Carlaz. Ils fleuriront près de vous, et vous verront chaque jour quand moi je serai bien loin. »« Eh bien, emportez-les, » s'écria-t-elle, « ils vous parleront de nous pendant le voyage. » Et brusquement, impétueusement, elle moissonna les œillets de la corbeille et les présenta en gerbe à son cousin qui en fut tout remué. « Ah, cousine !» s'exclama-t-il avec l'accent d'un homme sérieusement couché. « Vous êtes aussi bonne que belle et je ne vous oublierai jamais. » En même temps, il prit les petites mains brunies d'Anne de Ploudaniel et les couvrit de baisers. Il ne se passa rien de plus. les chevaux attelés piaffaient déjà dans la cour. Monsieur de Ploudaniel appela Tanguy. On s'embrassa une dernière fois en jurant de se revoir le plus tôt possible. Puis le jeune homme sauta dans la calèche avec le bouquet d'œillets qu'il serrait contre ses lèvres. Le domagnou fouetta ses bêtes, et l'équipage s'éloigna en cahotant avec un bruit de ferraille. Anne, le cœur gros et les yeux mouillés, restait immobile sous le porche. Elle regardait monter, puis se rapetisser et disparaître tout au fond de la longue avenue l'antique voiture de famille qui emportait son premier et son seul amour.